5. Ce fut le taupier qui trouva Aline au petit matin. Il avait sa hotte sur le dos. Il était petit et si maigre que ses pantalons paraissaient pleins de vent. Sa barbe, au creux de ses joues, était semblable à la mousse grise qui croît sur les rochers. Il allait, boitant tout le long du jour, tendant ses trappes de taupinière en taupinière. On lui donnait 2 sous par taupe qu'il prenait, qu'il allait boire à l'auberge dans un coin. Aline s'était pendue, avec sa ceinture, aux branches basses d'un poirier. Comme ses pieds touchaient par terre, elle avait dû plier les genoux, et elle était restée à demi suspendue, adossée au tronc de l'arbre. Le vent la berçait doucement. On aurait dit de loin une petite fille qui s'amuse, mais de près, on voyait son visage bleui et ses yeux vitreux. Alors le taupier posa sa hotte et courut au village, boitant plus fort et parlant tout seul. Le soleil était levé quand la justice arriva. Il y avait le juge de paix, le greffier et 2 ou 3 hommes qui avaient suivi. Le juge était gros, avec une barbiche blanche. Le greffier était grand et tout rasé. Ils s'arrêtèrent au pied de l'arbre. On dépendit Aline, elle était froide, ses bras pendaient. Ses tresses dénouées tombaient jusqu'à ses reins, et l'étoffe rude de la ceinture avait pénétré dans la peau. Le greffier écrivait sur une feuille de papier, le juge tenait ses mains derrière son dos, les autres, un peu à l'écart, causaient à voix basse, et le taupier disait « C'est comme ça, je sortais de la haie là-bas, parce qu'il y a par là des prés pleins de souris que j'en avais pour la matinée, et puis je vois du noir, une robe, mais pas la tête qui était cachée, que je me dis « C'est drôle, en voilà une qui s'est levée matin toujours, et encore, qu'est-ce qu'elle fait ?» Et puis quoi ? Je suis venu voir, et puis voilà. » Le pommier était tout rose, comme un bouquet de fiancés. Les cerisiers alentour se défleurissaient déjà. L'herbe sentait l'oseille acide et la menthe doucereuse. Le bois était poudré de vert. On entendait le ruisseau couler, et un grincement confus sortait des arbres. C'étaient les oiseaux qui chantaient. Quand le greffier eut fini d'écrire, on mit Aline sur un brancard, et on l'emporta. Cependant, Henriette, ayant appelé au milieu de la nuit, en était venue. Les falots semblaient courir tout seuls au ras du chemin. Il aurait fallu voir ce monde. On avait dit « Qu'avez-vous ?» Ensuite, les hommes étaient partis et les femmes étaient restées. Le malheur les attire, comme le sucre attire les mouches. Elles avaient couché Henriette dans le fauteuil, là où on avait mis Aline, et elle se laissait faire. On lui donnait à boire, et elle buvait. Mais quand on apporta le corps, se dressant soudain toute droite, elle cria « C'est bien fait, c'est bien fait !» Elle ne l'a pas volé, et tomba sur le carreau. Dans la matinée, la boutique se remplit de monde. Il y avait sur les rayons des bocaux de verre pleins de sucre candi, de tablettes à la menthe ou de cannelle, bien alignées, et des caisses de fer blanc où on met les biscuits, et des boîtes de boutons. Il y avait aussi une odeur fade, avec une odeur de salé, car un jambon et des saucisses étaient pendus à des chevilles, au-dessus de la grande balance à chaînette rouillée et à plateau de cuivre. Et la boutiquière, au milieu de ses sacs, ayant pesé sa soude, s'appuya sur le comptoir et dit « Quelle affaire !» Mais les femmes parlaient toutes à la fois. On dit qu'avant de se pendre, elle a étouffé son petit. Est-ce qu'on sait jamais ? Enfin, il est mort. Puisqu'il était bien malade. Et puis après, le sang lui sortait par le nez. Et elle, ah, elle, elle avait la langue qui lui pendait. Moi, je pensais bien que ça allait mal finir. Cette Aline, disait une autre, elle avait l'air tellement douce qu'on aurait cru qu'elle dormait. Est-ce qu'on aurait pu croire ? C'est ce Julien, après tout. Et une autre, le médecin a dit, la mort est venue rataplant pour la mère, mais pour le petit. Et la boutiquière ajouta, mon Dieu, quelle horreur. Le soleil, qui s'était caché depuis un moment, sortit de derrière un nuage, et la façade de l'auberge s'éclaira tout à coup. Sur le fumier voisin, un coq, au bec ouvert, chanta. « Voyez-vous, les caractères, c'est comme ça. Avec ces eaux dormantes, il faut s'attendre à tout. Oh oui, et qu'il y a tous les deux de leur faute. » Alors, elles se turent, C'était le juge qui passait. On dit « En voilà un qui a de rude corvée ». Puis, aussitôt, les conversations recommencèrent. Et l'animation grandissait à mesure que les nouvelles survenaient. Et Henriette ? On n'ose pas dire. Quoi ? Elle a dit que c'était bien fait. Pas possible. Et puis elle s'est roulée. À présent, elle ne dit plus rien. Ça se comprend. Mais, la matinée s'avançant, les femmes s'en allèrent une à une mettre la soupe sur le feu. On fit la toilette d'Aline. On lui ôta sa vieille robe usée et on lui mit à la place celle qu'elle avait portée à sa première communion. Les manches étaient un peu courtes, la taille trop juste, et la jupe laissait voir les chevilles. Mais c'était la plus belle robe qu'elle avait. Il faut être bien mise pour aller en terre. On disait, comme elle est maigre, c'est une pitié. Oui, c'est que le chagrin s'arrange. Faut-il qu'elle ait pourtant souffert ? Les femmes se montrèrent sur le cou l'anneau noir qu'avait fait la corde. Puis, elles attachèrent une mentonnière autour de la tête pour retenir la mâchoire qui tombait. Et elles chuchotaient à cause d'Henriette. Ensuite, ayant lavé l'enfant et l'ayant enroulé dans des langes propres, elles le posèrent sur le lit, à côté de sa mère. Et ils étaient là, la mère et l'enfant, comme le jour de la naissance. Aline était pâle aussi, comme ce jour-là. Seulement son visage était calme. Les traits s'étaient détendus. On n'aurait pas dit qu'elle avait tant souffert. Il y avait une grande paix qui s'était posée. Et enfin, ses oreilles étaient luisantes, comme la cire. On avait joint ses mains sur sa poitrine. On entrevoyait ses yeux sous ses paupières mal closes. L'édredon à demi tiré cachait son corps jusqu'à la ceinture. Son corsage noir se détachait vivement sur le lit blanc. Elle paraissait très longue et l'enfant tout petit. Quand tout fut prêt, on leur recouvrit la figure d'un mouchoir pour empêcher les mouches d'y venir. Comme le soir tombait, les femmes se préparèrent à veiller. Elles étaient trois pour se donner du courage. Elles s'assirent autour de la table. Les merles se poursuivaient en criant dans le jardin. Puis le crépuscule se glissa sous la porte comme une chatte brune, et elles dirent « On ne va pas rester comme ça sans lumière ?» Les deux autres répondirent « Bien sûr que non !» Elles allèrent chercher la lampe en se hâtant, car la cuisine était déjà sombre, et elles avaient un peu peur, mais la lumière les tranquillisa. L'abat-jour de papier rose laissait la chambre dans l'obscurité. La table seule était éclairée. On distinguait mal, dans l'ombre, le lit étroit et une forme sur le lit. Au bout d'un moment, une reprit « Moi, j'ai froid aux pieds. »« Oh !» dit la seconde, « c'est d'être assise qui fait ça. » Et la troisième ajouta « Mettez-vous au moins un châle sur les épaules. » Henriette n'avait pas bougé de sa place depuis sa chute du matin. Ses regards étaient tournés en dedans, ses mains ne remuaient pas, et elle gardait la tête inclinée. Les femmes la considérèrent. Elles branlèrent la tête. « Voilà » dirent-elles. « Oui, voilà. Quel coup, quand même ! Elle est assommée. Oh oui !» Puis, elles parlèrent d'autre chose. Petit à petit, le sommeil les gagnait. Leurs pensées s'affaissèrent comme les branches sous la neige. Mais, à peine leurs yeux s'étaient-ils fermés qu'ils se rouvraient d'eux-mêmes. Elles s'agitaient sur leurs chaises. Parfois, elles échangeaient un regard. Elle sentait la mort rôder autour d'elle. L'air en était comme épaissi. À la fin, pourtant, elles s'assoupirent l'une après l'autre. La lampe brûlait en grésillant. On n'entendait pas d'autre bruit. Quelquefois seulement, une des dormeuses se mettait à souffler plus fort, accoudée sur la table et le front dans ses mains. Un papillon de nuit, attiré par la flamme, frôlait l'abat-jour, où le vent passait dans les arbres. Puis l'aube, s'étant levée sur la colline, descendit se mirer aux fontaines. Les bois s'ouvraient devant elle, l'herbe frissonnait sous ses pas. Une petite flamme trembla vers l'orient, des banderoles roses flottaient au sommet des sapins, et l'espérance nouvelle, poussant la porte des maisons, souriait debout sur le seuil, pendant que, dans la chambre, la lampe achevait de s'éteindre et que les femmes s'éveillaient. Le bruit de la mort d'Aline s'était vite répandu. La matinée n'était pas finie qu'on venait aux nouvelles de tous les environs. Est-ce vrai ? Oui, c'est vrai. Il y avait des chars arrêtés devant l'auberge. Il y avait des femmes qui venaient de loin, qui passaient avec leurs souliers blancs de poussière et marchant à grands pas, et ensuite qui entraient chez une connaissance. Et aussi, on commençait à plaindre Aline, parce qu'elle était morte et qu'on est moins dur pour les morts. Et puis, c'était trop triste. Et on disait, elle est morte, et puis, mourir comme ça ? Comme ça ! S'enlever la vie ! Mon Dieu, mon Dieu ! Alors on se taisait un moment pour se représenter le pommier, la corde et la petite Aline pendue. Et on disait encore, « Ah oui, c'est quand même drôle de vivre !» Voilà, comme qui dirait, on commence, et puis on va vers le milieu, et puis on finit. Et puis quand on a fini, c'est bien la même chose que si on n'avait pas commencé. Et dire encore que tout le monde y passe. 6. À la nuit close, on apporta le cercueil. Il était fait de 4 planches mal rabotées et vernies en noir. Le menuisier avait travaillé toute la journée dans sa boutique claire et ouverte au soleil, pleine de copeaux roses. Il plantait ses clous en sifflant. Comme il était habile, l'ouvrage avait été fini avant le soir. Ensuite, il avait allumé sa pipe et il s'était dit « Ce sera bientôt le moment que j'aille jusque là-bas ». On déposa le cercueil près du lit, puis on mit Aline dedans, avec le petit enfant couché dans ses bras. Elle avait l'air de s'être endormie en le berçant, et il semblait dormir aussi. On les couvrit d'un drap neuf, on rabattit le couvercle pour voir s'il joignait bien, mais l'enfant prenait un peu de place. Le cercueil était bien fermé. On n'avait plus qu'à attendre les porteurs. Il y eut un orage pendant la nuit. C'était le premier de l'année. D'abord un silence, puis un bruit comme un char qui roule, qui grandit, et les éclairs étaient verts aux fenêtres. Après, les nuages crevèrent et s'abattirent dans les branches. Et puis les éclairs s'espacèrent, le tonnerre alla diminuant. La pluie devint fine, tombant doucement partout, et les gouttières chantaient sous l'averse. Au matin, le vent dispersa les nuages. Et le ciel parut descendre sur les chemins trempés de bleu. Un peu avant 11 heures, qui était l'heure de l'enterrement, le pasteur se prépara pour le culte. Il ôta le veston qu'il portait chez lui et mit un col propre, une cravate noire et sa redingote. Et encore son chapeau de soie, en soupirant, car rien n'est difficile comme ces morts particulières. Il faut éviter toute allusion, consoler cependant, et promettre le ciel quand le ciel est douteux. C'est pourquoi il partit à regret, ayant sa Bible de cuir souple à tranches dorées. Le culte se fit dans la chambre d'Henriette. Il n'y avait pas beaucoup de monde, parce qu'Aline n'était pas morte de sa belle mort. Il n'y avait que quelques voisines et 2 hommes, des cousins. Ils se tenaient tous assis le long du mur. Au milieu de la chambre, on avait mis une table et une chaise pour le pasteur. Il fit d'abord une prière et on se leva. Ensuite, on se rassit. Et il lut un passage des psaumes. Il y est dit « L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa bonté pour délivrer leur âme de la mort et pour les faire vivre durant la famine. Notre âme s'attend à l'Éternel. Il est notre aide et notre bouclier, car notre cœur se réjouit en lui. » Car nous nous confions en son saint nom. Que ta bonté soit sur nous, ô Éternel, comme nous nous attendons à toi. » La voix du pasteur s'élevait au commencement des phrases et retombait à la fin. Puis il parla sur ce qu'il avait lu, montrant que Dieu est miséricordieux et qu'il ne faut pas s'abandonner à sa douleur, mais lever la tête, parce que le jour du revoir est prochain. Enfin il pria. De nouveau. On entendit des pas lourds dans la chambre à côté. Les porteurs venaient chercher le cercueil. Ils étaient de bonne humeur, ayant bu un verre à l'auberge en passant. Ils disaient « Heureusement qu'elle n'est pas pesante, quand il y en a qui vont dans les 100 kilos. » Quand la prière fut finie, les hommes prirent leur chapeau. Les femmes, tout en larmes, entourèrent Henriette. Et Henriette ne pleura pas. Seulement, lorsque le pasteur s'approcha d'elle, elle se dressa comme un ressort, et on n'eut pas le temps de l'empêcher qu'elle avait ouvert la porte et vu la boîte noire et les hommes. Alors elle leva les bras et se jeta sur eux. Il fallut la tenir. On n'aurait jamais cru qu'une vieille femme eût tant de force. Et puis, comme on ne la lâchait pas, elle se mit à crier. Le cercueil s'en allait le long du chemin qui mène au cimetière. On doit traverser le village. Les gens étaient sortis devant chez eux pour voir. Le charron qui battait son fer près du gros soufflet de cuir jaune et du feu clair dressa la tête et mit les mains sur ses hanches. L'apprenti lâcha la corde qui retomba et le feu devint sombre. Un petit garçon qui tirait un cheval à roulette s'était arrêté, un doigt dans la bouche. Une grosse fumée sortait du four communal. Et puis, une fois que le petit cortège fut passé, les gens rentrèrent chez eux. L'apprenti se pendit à la corde, le charron reprit son marteau et l'enclume recommença de sonner dans le soleil. Le four communal fumait toujours. Sitôt qu'on est hors du village, le chemin devient raide. Les flaques étaient déjà sèches et la rigole tarie. Le capillaire sortait en touffe noire des fentes du mur. On marcha plus lentement. Une fois, les porteurs s'arrêtèrent pour s'essuyer le front. Puis, on repartit. Le cimetière était sur la colline. De grands arbres en marquaient l'entrée. On approchait. Les porteurs reprirent courage. La grille rouillée grinça. Le cercueil entra le premier. Les deux parents suivirent. Et on vit, dans un coin, l'herbe haute, la fosse ouverte et le fossoyeur à côté, avec sa pelle. Henriette, toutefois, n'avait pas cessé de crier. Tout ce qu'on pouvait faire ne servait à rien. Les femmes disaient « Il faut l'attacher, on ne peut pas la laisser ainsi ». Les autres répondaient « Seulement si on l'attache, elle deviendra enragée. Il vaut mieux que ça passe tout seul. » Et elle reprenait « C'est la seconde fois que ça lui arrive. C'est à présent des espèces de crises qu'elle a. »